DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Feinkost. Sailing here, but it's gonna get hotter. I hope you're ready. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Hachiche? Wapiam. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Hachiche? Wapiam. Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Bien, quittez ça! Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les clés. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Hachiche? Wapiam. Hachiche? Wapiam. Suivez-moi. Wapiam. Va pour l'opium, ça me rappellera le bon temps où je bourlinguais dans les mers de Chine. Suivez-moi. Suivez-moi. Education always corrects error. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Feinkost. We'll be right back. Thank you. take away the pain. And I just wanna make it better. And take away the pain. Jetzt mit Feinkost. We'll be right back. anybody that's ever felt lost, we feel your pain. For anyone who's ever felt alone, we felt the same. For anyone that's faced the darkness and despair, we've been there. Community, we built this culture on that word. We take you in, we love you. Welcome home. Anybody that's ever felt lost, we feel your pain. For anyone who's ever felt alone, we felt the same. For anyone that's faced the darkness and despair, we've been there. Community, we built this culture on that word. We take you in, we love you. Welcome home. drummers and drum machines. Heimspiel. Jetzt mit Feinkost.